Le monde est en ruine. La forêt a tout envahi. L'oubli te ronge. L'emprise transforme les êtres et les choses autour de toi. L'égrégore donne corps à tes peurs. Les orlas se tiennent tapis près de toi. Bonjour Alice. Donc, Bonjour. on va jouer à Bois Saule en mode duo. Donc, je vais faire le décor et les figurants et toi tu vas faire ton personnage qu'on va créer maintenant. Bien. Alors, on va commencer par déterminer ton destin fatal. C'est un vécu dramatique en fait qui t'attend si tu n'y prends pas garde. C'est quelque chose qui a de fortes chances de t'arriver si tu ne luttes pas contre et qui est peut-être la répétition ou l'amplification d'un schéma récurrent dans ta vie ou celle de ta lignée. Donc le destin fatal en fait est tiré au hasard. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont tirées au hasard dans ce jeu. Après, du coup, il va falloir que tu interprètes qu'est-ce que ça signifie exactement. Alors. Ok. T'as tiré une carte de tarot en fait qui t'a révélé ton destin funeste. T'as tiré la carte de la mort. Et en fait, cette carte raconte qu'une personne tombe amoureuse de la personne qui a fait tuer toute sa famille. Et en fait, elle ne la reconnaît pas, quoi. Donc entre guillemets, par erreur, à cause de l'oubli peut-être. Une personne tombe amoureuse de la personne qui a fait tuer toute sa famille. D'accord. La carte n'est pas plus précise que ça, donc tu ne sais pas en fait très certainement que tu vas. Il est possible que tu fasses partie de ces deux, d'une de ces deux, d'un de ces deux amants quoi, mais tu ne sais pas lequel. Et si par hasard t'as pas du tout envie que ton personnage soit impliqué dans des romances, dis-le moi, et dans ces cas-là, on pourra envisager que en fait cette carte concerne deux figurants en fait qui te sont proches, quoi. Ça me pose pas de soucis. Question aussi, quand tu dis personnage, on est d'accord que ça peut aussi bien concerner un orla ou en fait un élément du décor qui devient personnage? Oui, bien sûr. Enfin, le personnage, c'est le. En fait, quand je dis personnage, souvent, ça veut dire PJ, quoi. C'est-à-dire la personne que tu incarnes. Tu es a priori une humaine, mais si tu as envie de jouer autre chose, c'est-à-dire si tu veux jouer un Orla ou certaines créatures typiques de Milvaux, comme les Korax, qui sont des change-formes hommes-corbeaux, c'est tout à fait possible, hein. Et pareil, les figurants, c'est pas forcément des humains, effectivement, ça peut être des orlas, ouais. Ok. Ensuite, on va définir. Tu vas nous dire ce qui te donne la chasse et à qui ou à quoi tu donnes la chasse. C'est-à-dire que tu es à la fois chasseuse et chassée, quoi. Quelque chose de tiré pareil dans la table du. Non, en fait, cette fois-ci, c'est à toi d'imaginer. Quelque chose qui me donne la chasse. Une mousse. D'accord. Une mousse prise par l'égrégore. Et quelque chose à laquelle moi je donne la chasse. Eh bien. Peut-être au départ ce personnage qui aurait tué toute ma famille. Très bien. Super, ça c'est super. Tu vas ensuite me dire, tu as une question et une certitude. Et donc, en fait, tu vas me dire la question persistante que tu te poses, un petit peu en boucle, et aussi la certitude intérieure qui fonde ta personnalité ou ta vision du monde. Tu m'as dit une certitude. Une question et une certitude, ouais. Une question et une certitude. Ça peut être en lien avec ce qu'on a défini précédemment ou alors n'avoir pas grand-chose à voir. Si tu as des suggestions en même temps, moi, j'avoue que je suis preneuse, là tout de suite. Est-ce que tu te poses, est-ce que tu as une question ou une certitude au sujet de la mousse, par exemple? Par exemple, Ce serait plutôt une question ou plutôt une certitude? une certitude. Certitude. Donc il y a quelque chose au sujet de la mousse dont tu es certaine. Ce serait quoi d'après toi? Si la mousse me chasse, certainement, ça vient peut-être. Ce sera peut-être là, moi, ma faim. Ouais, la mousse causera ma faim. Pour étoffer ça, ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu as dit que la mousse était prise par l'égrégore. Donc l'égrégore, c'est un peu la trame magique qui donne corps à tes peurs. Et donc je voulais savoir si d'après toi, est-ce que la mousse, en fait, c'est quelque chose qui est là pour te châtier d'un crime que tu aurais commis? Tu vois, une sorte de punition divine? Plus que pour chasser, j'imaginais comme enfin une mousse qui se répand et si elle donne Ouais. corps à mes peurs, au final c'est se laisser prendre par ses peurs et se laisser submerger. Ouais. Ouais, donc la mousse est liée à mes peurs et causera ma faim, quoi. Très bien. Bon, bah, ça c'était certitude. Est-ce que tu as une idée pour la question? Si t'as pas d'idée, je me dirais que ça pourrait être une question au sujet de la personne qui a tué toute la famille, qui a tué toute ta Pour famille, oui. resserrer, ça pourrait être pas mal. Du coup, qu'est-ce que tu te poses comme question à son propos? Qu'est-ce qui est visiblement et quelque chose qui n'est pas sûr à son propos, c'est ça? Une question, vous avez un propos. On le chasse. Si c'est lui qui a peut-être créé la mousse ou qui a lié la mousse à la magie de ce monde pour Ouais. me passer. Okay. Donc, est-ce que la personne qui a tué ma famille a créé la mousse? D'accord. Tac. Très bien. Ensuite, tu as une croyance. Donc, c'est-à-dire que c'est une chose que tu crois sincèrement vraie dans ce monde, mais qui ne peut être vérifiée facilement par l'expérience. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de preuve de ce que tu crois, quoi. Être couvert par la mousse, si c'est ma plus grande peur, c'est le nirvana de mon clan. Donc tu penses que ta croyance est que ton clan estime, enfin vénère la mousse comme une bénédiction, c'est ça? Plus que c'est un stade de transcendance auquel ils essaient d'accéder et que moi, ça me terrorise. Alors le petit souci entre guillemets, c'est que c'est une croyance qui anime ton personnage en fait, hein. Donc, on ne pourrait pas écrire, par exemple, mon clan pense que la mousse donne accès au nirvana, parce que si ton personnage n'y croit pas, tu vois, c'est pas ta croyance, quoi. Donc la croyance de mon personnage serait plutôt axée sur le fait que c'est sa perte, mais ça rejoint vraiment peut-être trop la Ouais, certitude. c'est un petit peu redondant, ouais. Ouais. Je vais te faire une suggestion, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est que en fait, quand on est touché par la mousse, en fait, on accède à l'au-delà, tu vois. Et les gens de ton clan croient que du coup c'est une bonne chose parce qu'en fait c'est une sorte de paradis où ils seront récompensés pour avoir vécu une vie juste, tu vois. Et que toi, pour une raison X ou Y, tu penses que si tu es touché par la mousse, bah en fait tu vas arriver en enfer parce que tu penses que d'une certaine façon tu l'as mérité, quoi. Et que du coup tu crois effectivement que la mousse t'amène dans l'au-delà, mais c'est pas du tout quelque chose que tu désires, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me va. La mousse me conduira en enfer. Je mets de ça. Du coup, finalement, tu partages la croyance de ton clan, mais tu as juste une vision un petit peu différente, quoi. Alors, tu as ensuite une vertu et un vice. Définis ce qui semble être ta vertu cardinale, que ce soit un principe moral auquel tu ne déroges jamais, ou une qualité profonde qui te caractérise. Et à l'opposé, tu vas définir aussi ce qui semble être ton vice, une défaillance morale, une noire pulsion, un trouble ou une habitude qui te nuit ou nuit aux autres. C'est une vertu. Vas-y, si. Si jamais tu as besoin d'aide, je pense à une chose au niveau de la vertu. Ça peut être lié au fait que tu pourchasses la personne qui a tué ta famille. Je me demande si la persévérance ou le sens de la justice ne ferait pas partie de tes vertus. Le sens de la justice, pourquoi pas. De l'autre côté, je pensais à comme vice une sorte d'apitoiement qui permet du coup à enfin aux peurs de venir ronger et de voir la mousse avancer petit à petit. Appuie-toi sur ton sort. Oui. Ok. Ça nourrit l'envie de vengeance et de justice, d'une certaine manière. Super. Ouais. Donc ensuite, il y a un souvenir qui te hante. Alors. L'oubli te ronge, pour autant il te reste au moins un souvenir bien vivace. Il te revient souvent à l'esprit, même s'il est rarement clair et détaillé et qu'il varie à chaque fois, il te frappe l'âme au fer rouge. Je pense qu'on va rester en lien avec le reste. Je dirais l'image de la scène des miens recouverts par la mousse. D'accord, donc en fait, la personne qui a tué ta famille, elle a utilisé la mousse pour ça, quoi. Si j'ai peur de la mousse, c'est parce que peut-être moi, je crois que ça les a emmenés en enfer et je crois que ça va Ouais, en enfer. J'ai ouais. Ouais, peut-être vu une ombre s'enfuir. ouais. Ouais. Mais l'image la plus forte, c'est leur corps recouvert. Ouais, très bien. Alors, ta quête. Définis la chose que tu cherches vraiment à accomplir, la réalisation qui serait cruciale pour toi et que tu poursuis de tout cœur. C'est une mission personnelle suffisamment ambitieuse pour qu'elle te prenne toute la durée du jeu à accomplir, si jamais elle est atteignable. C'est-à-dire que, en plus, là, on va jouer que 3-4 jours, donc peut-être qu'on va jamais atteindre ta quête. Faire payer à l'assassin ou détruire la mousse. Peut-être que je te propose, détruire la mousse dans le sens où parce que sinon c'est un peu redondant à je chasse à ce que tu chasses quoi. Ça te va? D'accord. Du coup, évidemment que tu veux faire payer à l'assassin, enfin ça me paraît logique vu que tu le chasses. Du coup, on se permet de rajouter une couche d'information supplémentaire. Alors, tes deux symboles. Choisis deux symboles qui sont importants pour ton personnage dans sa vie, dans sa pensée et dans sa vision du monde. Un symbole, c'est juste un mot comme épée, amour ou rouge. Ça dit des choses au sujet de ton personnage ou de ton destin. Ces deux symboles te hantent littéralement et l'égrégore va transformer le monde autour de toi de façon à ce qu'ils apparaissent de façon récurrente et signifiante dans ta vie. La vengeance pourrait être un de ces symboles Oui. ou autour du pot. Très bien. Donc, vengeance, est-ce que tu aurais un deuxième symbole? Ça peut être quelque chose de plus anecdotique, hein, comme un motif esthétique. J'avoue que j'ai pas trop d'idées pour ça. Épée à mots rouges. Alors, attends. Historiette. Alors, on peut tirer un détail forestier, par exemple. Oui. Ce serait bien. Comme ça, tu aurais un. Alors. Là, j'ai tiré branche ou rejet. Tu me dis si ça t'intéresse, sinon moi, je te proposerai autre chose. J'avoue que j'ai du mal à lier au reste. Ouais, ok. Hop. Ouais, parce que là, du coup, ça fait vraiment détail esthétique. Là, j'ai fruits, châtaignes, glands, cocotte ou baies. Fruits, châtaignes, glands, cocottes ou baies. Ouais. Le fruit, c'est peut-être pas inintéressant pour le. D'accord. Du coup, Ça. peut-être dans la description du personnage, il faudra imaginer est-ce que en quoi les fruits c'est important pour lui? Est-ce qu'il a des fruits avec lui, des choses comme ça? Je pensais. Enfin, j'ai tilté sur fruits par rapport si, enfin, si la famille considère la mousse comme un accès à un au-delà positif, un accès à. Enfin, une quête spirituelle, ça peut faire rappel, accès au savoir. Ou... Le fruit interdit, ouais. Je suis partie un petit peu loin peut-être, mais... Non, non, mais c'est très bien. C'est un symbole, de toute façon. Donc on part tout de suite dans des trucs un petit peu perchés. Hein. Ok, super. Hop. Alors, qui t'accompagne? Donc là, on va tirer au dé pour savoir quel est ton entourage au début du jeu. Et donc, tu es toute seule, mais tu possèdes un objet important. Alors, seul avec un objet important? Ouais. Tu veux tirer cet objet ou je le décris? Tu peux le décrire, hein, il n'y a pas de liste. Ça pourrait être un poignard de rituel? Ok. Est-ce que par hasard, il y a un fruit gravé ou embossé sur le poignard? Peut-être, mais à ce moment-là, quel genre de fruit? Enfin, peut-être plutôt que le fruit, s'il appartient à la famille, le poignard, ça pourrait être Ouais. de la mousse. Un symbole de mousse. Ok. Très bien. Ouais, donc en fait, j'imagine qu'il est gravé ou orné comme s'il a l'air recouvert de mousse, c'est ça? Gravé plutôt que orné. Gravé, ouais. Ok, très bien. Et donc, ensuite, ta description, peux-tu te décrire du point de vue physique ou mental? Du point de vue physique. J'imagine un être humain de petite stature portant un masque un peu de d'oiseau Oui. avec des vêtements mi-textile, mi-feuilles et petits éléments trouvés dans la forêt, mais aucune mousse. et mental. Je t'avouerai que mental, plus que déjà les traits qu'on a décrits par rapport à l'envie de justice et de vengeance et la peur, l'apitoiement avec le souvenir marquant, j'ai peur que Ouais, t'es pas obligé, de toute façon c'est mis du point de vue physique ou mental, donc la description physique peut suffire. Puis c'est vrai qu'effectivement, au niveau mental, on l'a déjà bien brossé. Alors, ensuite, donc le commencement, en fait, je te propose de. Alors, je pourrais te donner un peu la réplique s'il y a besoin, mais de réaliser un court roleplay pour introduire ton personnage, le présenter en situation, et ça te permettra éventuellement de mettre en scène quelques éléments de ta feuille de personnage. D'accord. Je vais faire un petit peu, si tu veux, je fais un petit peu de tambour et à la fin du tambour, tu pourras m'expliquer ce que tu fais, ça te va? Tu veux que je reprenne sur sur une scène qui serait vraiment associée aux éléments qu'on a décrits de l'affiche ou C'est ça, ouais. C'est D'accord. ça, effectivement, ouais. Qui montre, tu vois, peut-être le départ du personnage, ou enfin ce que tu as envie de ce que tu as envie de présenter, en fait, vu qu'on le voit un petit peu en situation, quoi. Je vais certainement partir sur le souvenir marquant, alors ça me paraît plus logique. Ok. Un souvenir te hante. Je me tenais droite. En face de moi, gisaient plusieurs corps. Je ne les voyais à peine, je ne discernais que leur forme, la mousse grouillée au-dessus d'eux. Cette mousse que les miens vénéraient tant s'étendait doucement. Sur le coin de mon champ de vision, j'avais vu une ombre s'enfuir. Je n'en étais pas sûre, c'était flou. Après tout, tout se mouvait autour de moi, cette mousse grandissait, elle se répandait partout, elle rongeait tout. J'avais peur, mais au-delà de cette peur, je voulais me venger. Et ainsi, récupérant le poignard par terre qui avait servi un peu plus tôt au mien pour le rituel, je prenais les jambes à mon cou, espérant suivre cette ombre, si cela n'était pas une chimère. Ok, super. Alors, on va passer à la première journée, si tu veux bien. Donc, il va être le 24 de péril. Le 24-2. Le péril du mois de péril. Et donc, on commence en fait la journée par déterminer les inspirations, c'est-à-dire ces éléments qui vont survenir d'une façon ou d'une autre dans la journée. Donc tout d'abord, on sait qu'il y aura tes symboles, donc vengeance et fruits, hein, ça je les note. L'élément de milieu du jour qui va intervenir, ça va être l'oubli ou la mémoire. Alors, l'historiette du jour. Je vais te la lire. C'est quand on ouvre un almanach ou 24 de péril, c'est l'histoire qu'on peut lire. Si je n'étais pas mort de faim, de fatigue et de froid, je n'y serais pas entré. On ne se sentait pas le bienvenu à l'auberge aux mouches. Donc, prophétiquement, entre guillemets, ton aventure du jour va peut-être avoir un lien avec ça, quoi. Ça peut être très lointain, mais tout comme très évident. Donc, je Euh, peux être directement dans cet endroit, en fait. ça, ça, c'est très possible, ouais, effectivement. Le détail forestier du jour, ça va être l'araignée ou les acariens. Instant pour enregistrer mon document, parce que si je perds tout, je serai malin. Et voilà pour les inspirations. Donc, je vais te demander ce que tu penses, enfin, ce que tu t'attends à trouver ou à vivre aujourd'hui. Attends, j'ai l'impression que j'oublie un truc. J'ai oublié quelque chose d'important. Inspiration. Ah oui, ok, oui. En fait, j'ai oublié. Là, je t'ai donné les inspirations, mais j'ai oublié le contexte. Donc, ce que tu vas savoir, le contexte du jour, ça va être le suivant. Ça va se passer dans un bunker. Le moment de la journée, c'est la noire nuit. Le climat, c'est le vent. Bon, après, on verra ce qu'il en est du vent dans un bunker, quoi, mais... Et ce qui te tiraille aujourd'hui, c'est un trouble mental. Voilà. Je vais redire rapidement, hein, le contexte, un bunker pendant la noire nuit avec du vent et tu es tiraillé par un trouble mental. Nous sommes le 24 de péril, tes symboles sont la vengeance et le fruit, donc l'un ou l'autre risque d'apparaître aujourd'hui. L'élément de Millevaux prégnant aujourd'hui, c'est l'oubli. L'historiette, c'est si je n'étais pas mort de faim, de fatigue et de froid, je n'y serais pas entré. On ne se sentait pas le bienvenu à l'auberge aux mouches. Et le détail forestier, c'est les araignées ou les acariens. Pas de souci d'arachnophobie de ton côté? Non, pas de Bon, ok, souci. je préfère vérifier comme c'est un peu courant. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver aujourd'hui? Eh bien, je porte un masque d'oiseau et si on appelle l'auberge aux mouches, peut-être de quoi me mettre, enfin, peut-être quelque chose de quoi me mettre sous la dent. Ok. Après tout, il fait venteux dehors. Et c'est la Tout à nuit fait. noire. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, en fait, tu t'es pour échapper au vent et trouver un abri pendant la nuit noire, tu t'es enfoncé en fait dans un abri souterrain Oui. qui s'avère visiblement avoir au moins à une époque servi d'auberge, hein, puisque on retrouve effectivement parmi les gravats des tables, des chaises, il y a des vieilles bouteilles, des vieilles bouteilles couvertes de poussière. Mais si j'ai bien compris, tout ce que tu recherches avant tout, l'auberge aux mouches, je pense qu'il y a même carrément une enseigne, une vieille enseigne toute rouillée, où c'est écrit ça dessus, quoi. Et du coup, ce que tu recherches, en fait, c'est pas tant des reliefs de nourriture habituels, mais toi, tu veux vraiment trouver des mouches à grignoter, quoi. Oui. Comment dire, est-ce que tu as déjà une idée du trouble mental qui te tiraille aujourd'hui? Je pense à la paranoïa. Si j'oublie quelque chose et que je ne suis pas sûre sur cette silhouette que je poursuis, c'est peut-être que j'ai des doutes vis-à-vis de ça et que je me méfie de tout ce que je rencontre, tout ce que je croise. Je vois pas pourquoi tu risquerais quoi que ce soit dans un bunker qui s'appelle l'auberge aux mouches, voyons. Non. Ok, alors. Donc tu t'aventures en fait les salles obscures, les arrière-salles du bunker aux mouches, à la recherche justement des 10 insectes dans lesquels tu pourrais te sustenter. Oui. Et c'est à ce moment-là que tu fais une rencontre. Le masque qui protège ton visage heurte en fait des toiles d'araignée. Et en fait, dans une arrière-salle, tu découvres. Bon, en fait, je pense que on voit à peu près rien, il n'y a aucune source d'éclairage, quoi. Et finalement, la seule chose qui permet de le voir, c'est que tu vois 8 yeux qui brillent dans le noir. Et tu ressens la présence d'une énorme masse au-dessus de ta tête. Il se pourrait bien que tu sois dans le nid d'une araignée géante. À vouloir chercher à manger, c'est moi qui vais finir par me faire manger. Mystère, ouais. Bah, en tout cas, agité par la paranoïa, il est possible que tu ressentes une telle crainte. Ces crochets commencent à se frotter les uns entre les autres, relâchant des filets de bave, si ce n'est de venin. Et la créature commence à te parler d'une voix crissante. Alors attends. Je ne sais pas trop quel est le genre de ton personnage, mais de toute façon, la notion de genre pour cette araignée n'a aucun sens. Je pense que ça n'a pas forcément besoin d'être défini, Voilà. d'importance capitale. Donc elle t'appelle juste homme. Homme. Que fais-tu à l'auberge aux mouches? Madame l'araignée. Je venais m'abriter et me substanter. Il fait bien venteux dehors. Mais je vois que vous êtes fort nombreuses ici. Je vais peut-être vous laisser entre vous. Nombreuses, en vie, il n'y a que moi. Et en fait, ta main par hasard vient frôler la toile et tu te rends compte que la toile est constellée de cadavres de mouches. Mon personnage se crispe, essaie doucement, un pas après l'autre, de s'éloigner de l'endroit, enlevant le morceau de toile d'araignée collé à sa main. Ok, donc en fait, ton objectif, c'est pas de négocier de la nourriture avec l'araignée, c'est plutôt de fuir l'auberge aux mouches, quoi. Là, je pense qu'elle est plutôt flippante et que si toutes les mouches sont mortes et à moitié bouffées, c'est moi le prochain casse-croûte, donc oui. Ok. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer si tu n'arrives pas à fuir? Donc, quelles seraient les conséquences? Si tu n'arrives pas à fuir, d'après toi, quelles seraient les conséquences négatives et éventuellement quelles seraient les conséquences positives? Ce serait quoi le mal et le bien si tu n'arrivais pas à fuir? Si je n'arrive pas à fuir, je risquerais de finir dans un cocon. Peut-être qu'elle essaierait de me manger. Si j'arrive à fuir, je pourrais terrasser. Enfin, si je n'arrive pas à fuir et qu'elle essaie de me manger, je pourrais essayer de la terrasser en ouvrant, grâce à mon poignard de rituel, un trou dans son estomac. D'accord, très bien. Maintenant que tu as pesé le pour et le contre, est-ce que tu veux toujours fuir? Je dirais que je ne suis pas assurée et que tout en reculant quand même doucement, parce que l'endroit, enfin, j'ai crainte de l'endroit, je ne sais pas où est l'assassin et cette araignée me fait face, je me dis que peut-être je peux m'en sortir en face d'elle. Mais pour l'instant, je vais voir comment elle réagit et si elle essaie de me sauter dessus directement ou s'il y a moyen de trouver un terrain d'entente. Je ne prends pas mes jambes à mon cou, mais. Je reste sur mes gardes en m'éloignant lentement, histoire d'avoir une certaine distance de sécurité et de Ok. me rassurer. Donc, si bien, pour le moment, tu as à jour de ton projet de fuir, si j'ai bien compris, attendant de jauger un peu mieux la situation. Dans ce cas-là, l'araignée fait. Tu sembles. Homme, tu sembles regretter d'être venu ici. Je te vois reculer. Qu'es-tu venu chercher ici? Je vous l'ai dit, madame l'araignée, je cherchais à manger et je cherchais à me reposer. Cependant, je ne voudrais pas intervenir si abruptement dans votre soirée et vous voler votre nourriture. Aussi, peut-être ferais-je mieux de vous laisser seule. Dis plutôt que ça te répugnerait de manger des mouches. Au contraire, madame, les mouches peuvent parfois être peuvent tout à fait me sustenter. Je ne voudrais, par contre, soyons honnêtes, ne pas prendre leur place. Mais peut-être accepterez-vous de me laisser en paix, peut-être partager votre repas si je vous racontais une histoire. Quelle est ton histoire? La mienne. Cela, je vous la dirai, je vous la conterai. D'abord, si vous me promettez de ne pas me manger, moi. Mais fort bien, dans ces cas-là, penche-toi sur ma toile et mange autant de mouches que tu voudras. Ton objectif a changé. Maintenant, c'est, je dirais, je parle sous ton contrôle. Hein, tu reformules si je me trompe. C'est que maintenant, tu veux manger les mouches sans te faire manger, quoi. C'est ça. Méfiante, le poignard rituel est dans ma main. Ouais. Et pour ce qui est de les conséquences de l'échec, à nouveau je parle sous ton contrôle, hein, mais j'ai l'impression que ça reviendrait au même. C'est-à-dire que si tu échoues, c'est sans doute, ça signifierait que l'araignée essaie de te manger, quoi. Oui, Ok. effectivement. Si tu veux réussir à manger sans te faire manger, il va falloir que tu lances un dé. Et tu peux ajouter donc un D6. Hein. Et tu peux ajouter un au score du dé. Si ce but, si t'as pas de D6, je pourrais lancer à ta place, mais tu peux ajouter un au score du dé si ce but est important pour ta quête ou si tu utilises ta vertu, ton vice ou une des choses ou des autres qui t'accompagnent. Ce bonus n'est pas cumulatif, hein, donc tu peux pas utiliser 36 choses pour avoir 36 bonus. Tu peux avoir qu'un bonus. D'accord, ben, je lance déjà. Ouais, si tu veux, tu peux lancer avant. Puis si t'es pas satisfait du résultat, tu essaieras de choper un bonus. Ok. J'ai fait un. T'as fait un. Bon, tu vas pouvoir atteindre ton but seulement si tu acceptes le prix à payer. Et en fait, avec le bonus, ce serait pas mieux. Avec le bonus, ce serait, pardon? Ce serait pas mieux en fait, parce que c'est le atteindre son but en échange d'un prix à payer, c'est de 1 à 4. Donc tu vois, avec un bonus, tu vas monter à 2, ça changera rien. Oui, donc effectivement, pas besoin de bonus. Ça veut dire que si je ne cherche pas à surenchérir ou quoi, là, je me fais manger. De toute façon. Et même C'est ça, exactement. Donc en fait, le prix à payer, c'est. Oula. Ah, je vois. Je te propose, enfin, tu veux pour interpréter, mais j'ai déjà une idée de comment ça pourrait être. Le prix à payer, ce serait de ressentir atrocement le manque lié à l'oubli. D'accord. Est-ce que tu as une idée de la relation de cause à effet? Oui, j'imagine que je pourrais enfin décrire le fait que je ne me souviens presque plus du visage des miens, par exemple. Ils étaient recouverts de mousse la dernière fois que je les ai Ouais, vus. ok, ouais. Ah, très bien, ouais. Donc du coup, tu ressens ça en fait au moment où tu, si j'ai bien compris, tu manges les mouches. Et après, comme tu l'avais promis, tu te mets à raconter ton histoire. Et c'est à ce moment-là où tu n'arrives plus à visualiser le visage des tiens, c'est ça? Oui. Je me coupe dans l'une de mes descriptions avec Ouais. un moment de flottement. Et je me recroqueville. Mon histoire se recroqueville avec moi. Je suppose que c'est peut-être le moment où l'araignée va essayer de faire quelque chose et peut-être que moi j'ai réagi. Bah en fait, je pense que là, du coup, la façon dont je vois les choses, tu as passé l'épreuve. Et donc maintenant, on arrive à l'étape du réconfort. Tu connais un moment, une pensée ou une sensation qui t'apporte un peu de réconfort, de réparation, de soulagement ou de sécurité. Est-ce que ça vient de toi, à l'intérieur de toi, en fait, tu as une pensée qui te réconforte ou est-ce que ça vient de l'environnement? Ça vient de l'environnement. Une des Bon. toiles d'araignée se décroche un petit peu et tombe sur mes épaules comme un manteau, comme pour me réchauffer et m'apaiser. Ok. Et si tu permets, je rajoutais une chose aussi. C'est qu'en fait, littéralement, l'araignée comprend ce que tu ressens. Ou en tout cas, comprend que tu vas pas bien. Et en fait, elle se blottit contre toi, elle te prend littéralement dans ses 8 bras. Ça me va, c'est adorable. Ta journée se termine toujours avec quelque chose de laissé en suspens. Donc, on va voir c'est quoi le suspense de la fin de journée. Un coup de théâtre. Donc, est-ce que ça vient de toi, le coup de théâtre, ou est-ce que ça vient de l'environnement, auquel cas, en théorie, c'est moi qui décris. J'ai pas d'idée particulière, donc si tu veux le faire venir de l'environnement. Alors. Eh bien, en fait, en te prenant dans ses bras, si tu veux, l'araignée a changé de place, quoi. Et du coup, en fait, il y a, tu vois en fait quelque chose qui était derrière elle, qui était accroché en fait dans un cocon de toile, et c'est un fruit en fait. Légèrement iridescent, enfin tu vois, du coup tu peux le voir en fait dans le noir quoi. Et une espèce de fruit de la connaissance quoi. Ça ressemble à une sorte de grenade couverte d'une écorce, bah voilà, phosphorescente quoi, qui pulse quoi, et que visiblement l'araignée garde ici comme un trésor quoi. Et ce fruit il te semble l'avoir déjà vu quelque part, enfin, où tu sais confusément à quoi ça correspond, quoi. C'est très étonnant de le trouver là, dans la cachette de l'araignée, quoi. Je me détache donc des 8 bras de l'araignée pour regarder ce fruit avec fascination. Ok. Est-ce que ça te va si on arrête la journée là-dessus, sans en dire plus sur le fruit, ni même sur ce qui se passe? D'accord. Donc là, on a joué la première journée. Est-ce que tu comprends à peu près comment ça marche? Oui. Je vais faire un tout petit point technique hein, pour que ce soit un peu plus clair. En fait, j'avais tiré une péripétie. Donc, la péripétie, c'était la rencontre avec une créature sentiente et donc avec du coup une interaction sociale avec. Et donc, il y avait donc ce système de jet de dés pour gérer la péripétie, quoi. Et puis, comme tu peux voir, on a utilisé là pour le coup, on a utilisé toutes les inspirations qu'on avait. On n'était pas obligé, mais en l'occurrence, on l'a fait. Et D'accord. donc, nous allons arriver au 25 de péril. Vingt-cinq de péril. Le 25 de péril, le contexte va changer. Okay. On ne sait pas combien de temps il peut se passer de 1 à 23 heures entre le moment qu'on vient de vivre et ce nouveau moment, quoi. Donc on est dans un nouveau lieu. Si on est dans une montagne. C'est pendant la nuit brune. La nuit brune. Ouais, c'est un autre moment de la nuit. Ah, il faut savoir que la nuit dure 16 heures, à peu près, quoi. D'accord. Donc c'est souvent la nuit, quoi. Hop. Le climat est au brouillard. Et tu es tiraillé par. À nouveau un trouble mental, c'est pas forcément le même. Un autre trouble mental. Ça peut être le même ou un autre. Gardons le même, éventuellement, parce que j'ai pas forcément une autre idée Très sans bien. prise de contexte. Super. L'élément de Milvaux du jour qui va être le plus prégnant, c'est l'égrégore ou la superstition. Alors, historiette du jour. Voilà, c'est aussi ce qu'on pourrait lire aujourd'hui dans un almanach. Des arbres aux branches crochues, des écorces ridées, des voiles de feuilles blanches traversées de soupirs, la forêt tombait de vieillesse. Le détail forestier. C'est la mousse ou la sphaigne? Ah bah tiens, la mousse. Ça va être sympa comme jour. Du coup, je récapitule les éléments. Une montagne pendant la nuit brune avec du brouillard. Tu es tiraillé par un trouble mental, en l'occurrence sans doute la paranoïa. Tes symboles sont le fruit et la vengeance. L'élément de Milvaux du jour, c'est l'égrégore ou la superstition. L'historiette, c'est des arbres aux branches crochues, des écorces ridées, des voiles de feuilles blanches traversées de soupirs. La forêt tombée de vieillesse. Et le détail forestier, c'est la mousse ou la sphaigne. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver aujourd'hui? Ce que je m'attends à trouver aujourd'hui. Je traverse une vieille forêt sur les flancs d'une montagne, donc. Ouais, c'est ça, ouais. Ma question. Ouais, une forêt sénescente, quoi, littéralement. Et il y a de la mousse dans cette forêt, visiblement. C'est ça? Ou pas encore? Pas forcément, mais visiblement, tu t'attends à en trouver, quoi. Ben, chercher des indices, puisqu'il y a de la mousse ici, et de la vieille mousse. Nous sommes dans une vieille forêt, donc des Ouais. indices sur son origine. Ah, oui, ok, ouais, ça pourrait être genre. Peut-être l'origine de la contamination viendrait peut-être de là, quoi. Par exemple. Super. Ou voir si cette mousse-là est différente, ou si elle a changé. De cet endroit vers chez moi, si. Bien sûr, ouais. Alors, ta progression est difficile hein, puisque c'est la nuit brune, donc c'est une nuit presque aussi à peine moins obscure que la nuit noire. Et t'as l'impression que tout est justement coloré en brun, quoi. À part effectivement les feuilles, en fait les feuilles des arbres sont toutes blanches et craquelées, tu vois, un petit peu comme des cheveux des cheveux de personnes âgées, quoi. Et ta main heurte des troncs d'arbres qui sont couverts de rides. Et y a plein de lichens qui craquent sous tes pas. Et tu vois, ta visibilité est très faible, puisque en plus il y a du brouillard, de la brume qui fait un peu comme des cheveux de vieillard, quoi, qui bloquent ta route. Eh bien, j'avance doucement et péniblement. Ouais. J'observe bien le sol, les arbres, laissant une main errer sur l'écorce d'un arbre ou Tout sur un autre, observant un champignon, le retournant, s'excusant, le reposant à sa place, continuant ma route. fait. Ouais. Tu passes du temps avec tes pensées en solitaire. Tu peux méditer, avoir une conversation, une activité, mais il n'y a pas de danger immédiat. Les choses se passent avant tout à l'intérieur de toi-même. Cette introspection est liée à un des éléments de ta feuille de personnage, en l'occurrence. Une introspection au sujet de ta croyance. Alors, ta croyance, c'est le fait que la mousse te conduira en enfer. La mousse que je viens de voir sur cet arbre avait l'air plus avec des couleurs plus douces, peut-être un peu ternies, mais plus pastel, moins agressive que celle que je connaissais, moins sombre. Je me demandais si, avec cette mousse-là, celle-ci pouvait mener les gens ailleurs, si j'avais raison de douter autant. Et puis je me souvenais des corps recouvert. Je me souvenais de l'ombre. Je me souvenais de la mousse qui grouille. Et soudain, sur le sol, j'avais l'impression que tout grouillait. Mais parfois, je m'apercevais qu'en réalité, ce n'était simplement que quelques vers de terre, un petit écureuil, quelques petites bestioles autres qui grouillaient çà et là, déplaçant les feuilles et l'humus sous mes pas. D'accord. Et donc, suite au chemin de tes pensées, en fait, il y a une émotion qui va finir par t'envahir, qu'on va tirer au dé. Tu peux éventuellement renoncer au réconfort qui survient d'habitude en fin de journée. Et si tu le fais, en fait, tu pourras faire deux tirages et choisir l'émotion préférée. Donc, est-ce que tu préfères faire un seul tirage, mais du coup, t'as pas trop le choix, ou est-ce que tu préfères renoncer au réconfort et faire deux tirages? Je veux bien voir ce que ce sera le réconfort, donc un tirage, ça ira. Ouais, au pire, si l'émotion ne te convient pas, tu peux toujours dire, bah finalement, je renonce au réconfort pour faire avoir une deuxième chance. Et le premier tirage, en fait, c'est l'émotion de crainte qui t'envahit. Je continue à voir le sol s'agiter et peu à peu, j'oublie que c'est vraiment de la mousse dont je suis censée avoir peur, et ce sont juste les mouvements dont je me rappelle dans ce souvenir, les mouvements qu'elle faisait. Et toutes ces petites choses qui grouillent me font avoir peur. Je me réfugie dans le creux d'un chêne entre ses racines. Je me roule en boule. J'ai peur. Ok. Et à la fin, en fait, de ce moment de flip total, quoi, tu vis une transformation physique ou mentale. Laquelle est-ce, d'après toi? Transformation physique ou mentale? Ouais. C'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, même si ça peut l'être. En regardant, une fois que, enfin, je me sors un petit peu, je me redresse un petit peu, même si je suis encore assise, et je vois sur mes mains, sur mes mitaines, sur mes vêtements un peu miteux, un peu mêlés avec d'autres éléments naturels, qu'il y a de la mousse qui est apparue. Ce n'est peut-être pas la mousse des corps, c'est une mousse qui ressemble à celle d'ici. Mais Ouais, cette plutôt la mousse, mousse sénescente, ça quoi. me terrifie. En même temps, j'ai vu que celle-là était douce. Mais au fond, ça me tient quand même ça me tient quand même les tripes. Je ne sais pas ce que je dois en penser et je vois ça. En rouvrant les yeux. Ouais, ok, ouais. Et donc, suite à ça, en fait, tu connais un réconfort. Est-ce que ça vient de toi, c'est-à-dire de tes pensées, ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Du décor, ce serait bien. Eh bien, sans doute à la fois, si j'ai bien compris, la parano aidant et ton souvenir s'étant pas du tout bien passé, dès que quelque chose te frôle et il y a pas mal de choses qui grouillent quand même dans la forêt sénescente, puis il y a des choses qui craquent sous tes pas, tu commences vraiment à flipper, puis à courir, ou en tout cas à te déplacer dans la forêt, tu vois, pour échapper à des menaces quasiment invisibles. Et c'est à ce moment-là que tu heurtes en fait un corps qui a l'air tout frêle. Et c'est en fait, tu l'avais pas trop vu avec le brouillard, mais il s'agit d'une petite vieille qui porte une lanterne, quoi. Elle est vraiment petite, comme si elle s'était recroquevillée à l'intérieur d'elle-même. Elle est toute fripée et tu vois, elle a deux grands yeux qui sont comme c'est un peu en fait il y a tellement de rides, ses paupières sont tellement ridées que ça fait presque comme si elle avait des coquards, tu vois. Ça lui fait des yeux énormes, quoi, un peu comme une sorte de crapaud. Et en fait elle sourit en fait elle a un grand sourire édenté et elle agite sa lanterne sous toi. Elle fait: est-ce que vous aussi vous êtes venu trouver le repos? Le repos? Non, ça grouillait là-bas, j'ai eu peur, je me suis enfuie. Qui êtes-vous? N'y a rien à craindre ici. Je suis une vieille personne qui a trop vécu et j'ai senti que mon heure était venue et donc je suis venu en pèlerinage dans cette montagne. Et maintenant, si tu veux bien, nous allons prendre une infusion et puis je vais m'asseoir contre cet arbre. Je vais te raconter quelques histoires de ma vie, les plus beaux moments de ma vie. Et la mousse sénescente va me recouvrir et m'emporter au paradis. Vous voulez vous abandonner à la mousse? Vous aussi? Non, je ne peux pas vous laisser faire ça, enfin. Mais regarde-moi, je suis au bout de ma vie. Comprends-tu que je n'ai plus rien. Enfin, c'est comment? Soit je meurs ce soir ici en ta compagnie, soit je meurs chez moi dans mon lit. La différence, c'est que si je meurs dans mon lit, eh bien tout s'éteindra, ma conscience, en fait, ce qui reste de mon esprit disparaîtra et pourrira comme une feuille morte. Tandis que si je laisse la mousse me consommer, eh bien je vivrai à travers elle et je connaîtrai la vie après la mort et je ne m'éteindrai jamais, je ferai partie du monde. Et je trouve que c'est très beau, en fait. C'est ce que croyait ma famille, mais ils sont morts. Ils sont morts et la mousse grouille. Vous êtes sûr de vouloir vous abandonner à elle? N'y La a-t-il mousse pas d'autre manière de vivre? sénescente est bonne et bienfaisante. Peut-être que ta famille a eu affaire à une autre mousse. Alors je veux bien entendre l'histoire de la mousse d'ici. D'accord. Si cela peut vous donner repos. Écoutez. Bah, du coup, elle te raconte en fait, elle te raconte la fois où des années avant, elle est déjà venue sur la montagne avec son épouse, qui était plus âgée qu'elle encore, quoi. Et son épouse a fait ce même rituel en fait. Elle lui a raconté les plus belles histoires et c'était très poignant parce que finalement pas mal de ces histoires la concernaient elle aussi, quoi. Et puis à la fin, elle a laissé, elle s'est assise contre ce même arbre où là la vieille est en ce moment et elle a regardé la mousse donc du coup recouvrir son amante et elle souriait. Et en fait, depuis, elle sent que sa présence est toujours là, quoi. Ça fait des années. Elle te montre, en fait, elle a une capsule autour du cou, quoi. Et dans la capsule, il y a un petit morceau de mousse. Elle te dit, j'ai l'impression qu'elle est toujours avec moi. Puis elle t'offre du coup une infusion. Une infusion de sphaigne. Qui a un petit goût de marais. D'accord. Je l'écoute attentivement, mais je ne peux pas me départir de cette peur. D'accord. Pour autant, la vieille a l'air d'être apaisante. Et si moi j'ai peur de la mousse des miens, et que je ne me donnerai pas celle d'ici. J'accepte que elle le fasse pour elle et de lui tenir compagnie jusqu'au bout. Très bien, ouais. J'ai une petite question technique. C'est le fruit de la connaissance que tu as aperçu chez l'araignée. Donc il y a eu une ellipse, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu t'en es emparé ou pas? J'ai essayé. Il m'a échappé. Il t'a échappé, donc c'est-à-dire qu'il est toujours à l'auberge aux mouches? Non, il n'est plus là-bas. Ah d'accord. En fait, tu l'as pris à l'araignée, mais après, effectivement, sur le chemin, tu l'as perdu, quoi. J'aurais plutôt dit que j'ai tendu la main devant l'araignée. L'araignée m'a vu et on a toutes deux vu le fruit disparaître. Alors s'il est parti de lui-même ou s'il a disparu parce que quelqu'un d'autre l'a volé en même temps, quelqu'un que nous n'aurions pas vu. C'est une bonne question. D'accord. Et donc, la journée s'arrête en plein milieu de l'action ou même d'une phrase. Du coup, la logique, je dirais, c'est que la suite logique des événements, c'était de sans doute que la vieille allait, tu vois, enfin la vieille est assise contre l'arbre et qu'on allait voir la mousse la recouvrir, quoi. Et en fait, si t'es d'accord, ça, on le raconte pas. D'accord. Et la journée s'arrête là, en fait, et on sait pas exactement comment ça finit, quoi. Ça me va. Petite précision technique, du coup, au sujet de cette journée, c'est que, en fait, on n'a pas vécu une péripétie cette fois-ci, c'était une introspection. D'accord. Et donc, il y a un troisième mode peut-être les dés nous feront vivre aussi, c'est l'exploration. Ok. Est-ce que tu as des questions ou des choses à mettre au clair avant de passer à la journée suivante? Non, on peut continuer. Très bien. Alors. Alors, le 26 de péril va se passer dans une mangrove ou une autre forêt engloutie. Ça va être au crépuscule. Le climat est toujours au brouillard. C'est pas très joyeux, un climat à 1000 vaux en général. T'attends pas à la canicule. Hop. Parfois, le brouillard est plus joyeux que la canicule. aujourd'hui, je suis sûr que la canicule, il serait d'accord. Certes, ouais. Aujourd'hui, tu es tiraillé par la soif. Tes symboles sont toujours le fruit et la vengeance. Alors, pour information, tu peux changer de symbole en fait quand tu estimes qu'ils sont épuisés de leur sens, quoi. L'élément de Milvaux prégnant aujourd'hui, c'est à nouveau l'oubli ou la mémoire. Alors, l'historiette du jour. Grenade à dents de poisson venimeux, nappe de spores mortels, catapulte à viande noire, seringue d'orgone, l'avenir du terrorisme. C'est pas trop le même délire qu'avant. Ouais, effectivement. Et le détail forestier. C'est des lianes grimpantes ou rampantes. Ok. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver aujourd'hui? J'ai soif, ainsi je cherche de l'eau pure, mais je ne peux boire l'eau de la mangrove, et elle ne l'est pas. Okay. Donc, par contre, tu t'attends effectivement à trouver quelque part une source d'eau potable, quoi. Oui, et un abri pour la nuit, car il fait, enfin, le soleil est déjà en train de se coucher. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, ouais, c'est pas mal. Donc, c'est vrai que clairement, au début, ça s'annonce pas bien. Tu patauges jusqu'au genou, voire plus, dans cette mangrove envahie par les sangsues. Il y a tout un tas de lianes rampantes, tu sais, qui te frôlent le visage. Il y en a qui rendent ta progression difficile. C'est très certainement que tu es obligé d'utiliser ton couteau rituel, tu vois, pour trancher les lianes et avancer, quoi. Évidemment, le brouillard n'arrange rien à l'affaire et le crépuscule commence à devenir farineux et t'as l'impression que le soleil se fait boire ou dissoudre par l'eau de la mangrove et il disparaît aussi en partie derrière les grands palétuviers en fait qui poussent dans ce marais. Et c'est à ce moment-là que une lueur d'espoir se matérialise par l'apparition de plusieurs lanternes en papier, en fait, dans lequel brillent des bougies. Et en fait, tu réalises qu'il y a des personnes qui habitent en fait dans les lianes et dans le couvert des arbres et qui se servent des lianes comme tu vois. Comme ça leur fait des espèces de ponts de singe et qui vivent en fait au-dessus de ta tête, quoi, dans les cimes des palétuviers. Et l'une des personnes, en fait, comment, c'est ce que tu aperçois, c'est un homme qui est presque nu, en fait, il a juste un pagne et son corps est couvert de. Il y a plein de branches, tu sais, qui sont plantées dans son corps, quoi, qui forment des ornements, quoi, qui teintent. Et il descend en fait une. Et pareil, dans son visage, il y a des os Il y a des os qui sont plantés, et puis il y a des lianes en fait qui relient des morceaux de qui relient des parties de son visage à d'autres parties, genre une liane entre l'oreille et puis le nez, des choses comme ça. Et cette personne en fait descend une liane vers toi pour te faire signe de monter en fait. Abrités dans leur habitat arboricole. Ben, je vais donc essayer de monter en m'accrochant aux lianes, en prenant appui sur un des arbres, en m'extirpant des racines et en m'éloignant de cette eau si sale qui. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais elle est vraiment peu ragoûtante. Alors, c'est une aubaine qu'il me propose de monter et qu'il soit là. Voilà. Tu constates qu'ils ont leur habitat arboricole est assez développé en fait à la lueur des lanternes, tu peux t'en rendre compte, et que visiblement les lianes constituent vraiment la matière première de toute leur activité. C'est-à-dire qu'en fait ils les tressent de façon à obtenir des passerelles et puis des nattes en fait qui permettent d'avoir des sortes de petites niches dans les arbres. Et également, tu vois qu'ils fabriquent, et ça c'est un peu bizarre, ils fabriquent des espèces de. Donc tu vois, certaines lianes forment une sorte d'osier, quoi, et ils font des espèces de sphères en osier comme ça, sur laquelle, d'où, comment, à l'intérieur, ils mettent de l'eau souillée de l'eau souillée de la mangrove, et il y a une espèce de mèche en liane en fait. Ça ressemble beaucoup à des grenades en fait. Donc comme le fruit chez l'araignée. Ah oui, tiens, c'est marrant. Bah là pour le coup ça ressemble vraiment à la grenade, la bombe quoi. Mais ouais, tiens, c'est assez rigolo que effectivement le fruit ressemblait à une grenade, le fruit quoi. Bon, de toute façon, je crois que je vais vérifier à quoi ça ressemble une grenade, mais je pense que ça s'appelle pas grenade pour rien. Hein. Puis, de toute façon, le fruit qui s'appelle la grenade, il ressemble beaucoup à une grenade. En fait, tu sais, les vieilles bombes là, qui sont des sphères avec. Enfin, ça ressemble tout à fait à ça, quoi. Sauf que c'est rouge et qu'il n'y a pas de mèche qui dépasse, quoi. Là, comme ils sont en osier, ils sont plutôt beiges, plutôt marrons. Ouais, c'est ça, ouais. Mais la forme est la même, ouais. Est-ce que tu leur demandes à quoi rime leur petit manège, ou est-ce que tu préfères les laisser tranquilles à ce sujet? Je pense que j'ai la curiosité de demander. Parce que ça m'intrigue, ça a la même forme que ce fruit qui est parti, et je voudrais savoir. Ouais. Eh ben, en fait, l'homme qui s'appelle Achoukpouk. T'explique qu'en fait c'est des grenades à mangrove, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention de les faire exploser en dehors de la mangrove, et ça va l'étendre. Et en fait ils étendent leur habitat, ils vivent une sorte de, enfin lui estime qu'ils vivent en harmonie avec la mangrove, et que du coup c'est profitable à eux comme à la mangrove de l'étendre. Comme ça, eux, ils protègent leur territoire, quoi. Parce que plus la mangrove est grande, et moins des étrangers mal intentionnés pourraient venir s'en prendre à eux, quoi. Et puis, la mangrove, elle, trouve le bénéfice de pouvoir s'étendre. Je lui fais remarquer que avec l'eau noire, peu d'étrangers déjà enfin, doivent oser s'aventurer jusque-là. C'est vrai, mais de temps en temps, nous avons des visions, en fait, comment. Là, ils te montrent une eau. Ils ont un système de filtre avec des lianes, et ils filtrent l'eau noire d'une certaine façon. Et ils disent qu'en distillant l'eau noire, ils obtiennent l'eau de vérité, qui leur permet d'avoir des visions, quoi. Et en fait, ils ont notamment, ils ont des visions du futur qui leur prédisent que s'ils prennent pas des mesures de défense, ben, au bout d'un moment, si tu veux, des étrangers viendront avec des bateaux, des engins mécaniques et tout, et ils vont assécher la mangrove et puis asservir leur peuple, et toutes leurs traditions seront perdues. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé de. Du coup, là, ils estiment que la mangrove leur a parlé, leur a dit l'avenir, tu vois. Et pour le coup, ils se contentent finalement de prendre des mesures pour empêcher que cet avenir arrive, quoi. Je leur dis que je comprends, mais que je ne crois plus en l'existence des machines. Ces choses-là ont disparu il y a bien longtemps. Le monde est un cycle, ce qui a disparu revient et ainsi de suite. Rien n'est disparu à jamais. Mais vois-tu, donc ils t'ont, en fait, ils ont été fort généreux avec toi, hein. Ils t'ont nourri, ils t'ont offert de. Ils t'ont. Ah ouais. Non, en fait, ils t'ont nourri, mais que avec des espèces de lianes séchées, tu vois, qui ont éventuellement calmé ta faim, mais qui n'ont pas du tout étanché ta soif. Et c'est à ce moment-là que Apoutchouk te propose à toi aussi, en fait. Il dit que entre guillemets, si tu viens en paix, eh bien, ils n'ont aucune raison de mal te traiter. Et au contraire, ils voudraient que tu sois un des leurs. Et ils te proposent du coup de boire l'eau de vérité. Ben, je lui fais comprendre que je ne pourrais pas m'éterniser, mais que c'est avec grand plaisir que j'accepte de boire l'eau de vérité. Et donc, en quelque sorte, l'eau, en fait, va te permettre de répondre à certaines de tes questions, ça va te faire avancer, tu vois. Eux, ils ont une vision, si tu veux. Apoutchouk te dit qu'il a eu la vision de la fin de leur tribu parce que, en fait, c'était ça qui le taraudait, tu vois. Il se posait des questions là-dessus, sur leur avenir. Et donc, c'est la réponse qu'il a eue. Mais toi, il comprendrait que tu aies d'autres préoccupations et du coup, l'eau te donnera une réponse appropriée, quoi, à tes propres questions, quoi. Donc, l'eau n'est pas l'eau reste impure, hein, si tu veux. Il y a des gros dépôts noirs dedans et tout. Enfin, et filtré d'une certaine façon. Midi, tu devrais. Bon, tu vas sans doute pas mal vomir, mais tu vas survivre, hein, ouais. Qu'est-ce que tu cherches donc, supposons qu'effectivement tu acceptes de boire l'eau de vérité. Qu'est-ce que tu cherches exactement en fait? C'est quoi ton objectif Tu voudrais que ça te. Ouais, vas-y, je t'écoute. J'espère toujours que cette eau de vérité pourrait me dire ce qu'il s'est réellement passé lors de mon souvenir, pourquoi cette mousse a réagi ainsi, si elle a toujours été comme ça. Enfin, bref, toujours sur des questions sur l'origine de la corruption de la mousse. Ouais, c'est surtout sur la mousse, pas trop sur la personne que tu chasses. Non, t'as raison. Demander si cette personne-là existe bel et bien. Ok. Je ne chasse pas une chimère. Tu veux juste savoir si elle existe bel et bien ou tu veux avoir plus d'infos, genre carrément savoir où la personne est ou des choses comme ça? Si je peux avoir plus d'infos, c'est tant mieux. Sinon, je me Ok. concentrerai de celle-ci. Très bien. Mon souvenir est flou autour. Ouais. Alors, je vais te demander d'anticiper les conséquences négatives et positives d'un échec. C'est-à-dire, supposons que, voilà, que boire l'eau de vérité, ça se passe mal. Comment ça pourrait se passer mal, en fait? Dans l'introduction de cette troisième partie, tu parlais de chair noire. De viande noire, ouais. L'eau pourrait être corrompue par ça, peut-être? Ok, du coup, tu serais toi-même contaminé par la chair noire, quoi. Ok, et est-ce que tu penses qu'il y aurait des conséquences positives à ce que boire l'eau de vérité ne t'apporte pas à la vérité, justement? Les conséquences positives que, eh bien, Je continuerai à aller de l'avant et à chercher mon assassin si je Ouais, ne c'est ça. Tu si on vas pas mentionne désespérer. pas son existence. Ouais, tu désespéreras pas pour autant, quoi. C'est ça la conséquence positive, C'est ouais. ça. Ok. Donc, à nouveau, tu vas lancer un dé pour justement voir si ça se passe bien, si tu as bien la révélation buvant l'eau de vérité. Et tu pourras ajouter un bonus. Du coup, à la limite, on peut voir à nouveau si tu peux lancer le dé d'abord. On va voir si le résultat est satisfait. Et si oui, sinon, on verra comment avoir un bonus. D'accord. J'ai fait 3. T'as fait 3. Bah, de toute façon, le bonus te fera pas progresser plus. Tu vas pouvoir avoir la vérité, mais il va y avoir un prix à payer. Quel est donc ce prix? Alors, tu pourras refuser de payer le prix, mais dans ces cas-là, tu vas te prendre des conséquences. Tu seras contaminé par la chair noire. Alors, le prix. Tu vas apprendre une révélation qui va rendre ta victoire détestable. Enfin, grosso modo, tu vas avoir la vérité, mais en même temps, tu auras une révélation qui fait que tu aurais préféré ne pas savoir, quoi. D'accord. Je pense que la vengeance t'attend pas et que je suis prête à payer le prix. Ok, super. Alors, tu vas me dire si t'es d'accord, mais je pense que du coup, comme ça concerne plutôt le décor et les figurants, hein, c'est ce que tu veux, c'est des informations sur la personne que tu sur la personne que tu chasses. Du coup, je pense que c'est plutôt à moi de dire quoi, si ça te convient. Ça me convient tout à fait. Ouais. Eh bien, si t'es en fait, t'as un souvenir où tu es dans une hutte, ce qui ressemble en fait, ouais, t'as dit que la technologie a disparu, donc effectivement, donc ça ressemble à une hutte chamanique. Et toi-même, en fait, t'as des habits. Typiquement de chaman, quoi. Alors après, c'est plein de. Comment t'as des vieux trucs accrochés à tes habits, genre des poissons morts, des dents, des seringues, des vieilles seringues, tu vois. Il y a une espèce de nuage de spores qui volait en fait dans la hutte qui rend l'atmosphère à peine respirable. Et en fait, t'es avec ton assistant et amant et vous êtes en train de piler des échantillons de mousse. Et en fait, vous faites des recherches dessus, quoi. Alors c'est un souvenir dynamique, hein, donc n'hésite pas à interagir, quoi. D'accord. Et donc, ton apprenti te tient la main et fait. Il te caresse le bras. Avec beaucoup d'amour et il fait c'est vraiment fascinant les découvertes que tu fais sur la mousse et je suis vraiment heureux de pouvoir t'aider. Je lui réponds d'un sourire resplendissant en continuant à piler ma mousse. Et ton apprenti semble être quelqu'un de fasciné par la mémoire, par le souvenir. Et il y a plein de vieux Polaroïdes qui sont cousus en fait dans ses habits. Et il est en permanence en train de en train de malaxer des objets mémoriels, une vieille pièce, une montre, un bijou. Et d'ailleurs, en fait, ce sont des objets qui t'appartiennent et qui lui rappellent des bons souvenirs qu'il a pu avoir avec toi, quoi, qui lui permettent de garder ardent les souvenirs amoureux des moments passés avec toi. C'est des cadeaux que tu lui as fait, en fait, les objets mémoriels qui malaxent. Et il te dit comme ça, tu n'as qu'un ordre à me donner et pour toi, je passerai à l'étape supérieure. Je testerai la mousse en fait sur je testerai la mousse sur des gens et je les comme ça ils connaîtront le paradis maintenant qu'on est à peu près sûr du dosage. Tu sais, dans vos brouets, en fait, t'as la mousse sombre, tu vois, qui est pas du tout comme la mousse sénescente, quoi. C'est la fameuse mousse qui a causé tous tes ennuis, quoi. Qu'est-ce que tu lui as répondu à ce moment-là? Je pense que je l'ai déçu à ce moment-là, que ma réponse l'a profondément déçu. Ouais. Tu t'en rappelles de ta réponse ou pas? Tu te rappelles juste du fait que tu l'as déçu? Non, je ne me rappelle pas des mots que j'ai pu prononcer, mais je me Ouais. rappelle de son visage, de la déception qui a rongé son visage. Ok. Donc, après ce souvenir, je pense qu'il est assez détestable. Eh bien, tu connais un moment de réconfort. Est-ce que ça vient de toi, de tes pensées, ou est-ce que ça vient du monde extérieur? J'ai du mal à voir comment mes pensées peuvent me réconforter là, une fois encore. Ouais. Bah, je pense que Anoukchouk voit que tu t'es pas bien parce que déjà ton souvenir est traumatisant. Et en plus, comme il l'a précisé, c'est quand même assez vomitif en fait l'eau de vérité quoi. Hein. En fait, t'es assez mal quoi. J'ai Il t'a nourri. lâché la vasque dans Ouais. le début. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il te tient les cheveux pendant que tu vomis les lianes qui t'a fait manger jusqu'après pas longtemps avant, quoi. T'es hyper mal. Et en fait, il te fait passer la nuit dans une hutte de sudation. Et en fait, il chante pour éloigner les mauvais esprits, les esprits hors-là qui veulent profiter de ton désarroi pour s'emparer de toi. Et donc, tu me diras ce que tu en penses, mais peut-être qu'au bout d'un moment, quand même, les grands égards qu'il a pour toi fournissent une forme de réconfort, quoi, malgré la dureté de l'épreuve. D'accord. Et donc cette journée va se terminer avec un suspense qui est théâtre à nouveau. Est-ce que le coup de théâtre vient de toi ou du monde extérieur? Du monde extérieur, peut-être en lien avec la sudation et le réconfort, si. Bah en fait, oh ouais, je vais être, je pense que je vais faire ça. Comment? En fait, au bout d'un moment, effectivement, tu es dans un état second et t'es, bon, déjà, tu es réconforté et puis tu deviens extrêmement lucide. Tu vois, donc il y a le visage d'Anoukchouk qui est pensé sur le tien. Il joue il joue de la musique et chante pour éloigner les esprits. Bon, son visage est clairement assez difficilement identifiable, puisque je te rappelle qu'il est couvert d'os et de lianes, tu vois. Mais en fait, tu es dans un tel état de lucidité que tu vois en fait le visage d'Anoukchouk qui se morphe pour redevenir. C'est une vision, ça n'arrive pas vraiment, hein, mais c'est une vision chamanique que tu as à cause de la sudation. Son visage se transforme pour redevenir ce qu'il était avant, quoi, avant d'être tanné par cette vie tribale, avant d'être couvert d'os et de lianes. Et en fait, c'est le visage de ton apprenti. Ah. Je pense que du coup, je vais plutôt avoir peur et être envahi par le doute. Et ce doute physiquement va être représenté par l'avancée de la mousse de la vieille forêt sur mes bras. Ah ok, ouais, très bien. Ouais. Est-ce que ça te va si on arrête la journée ici, c'est-à-dire qu'on joue pas trop l'échange qu'il pourrait y avoir ensuite avec Anoukchouk? C'est quelque chose qu'on verra la journée suivante. Donc pour information, on a à nouveau fait une péripétie, hein, c'était pas d'exploration encore pour le moment. Donc, tu as besoin de quelque chose ou on peut passer à la journée suivante? On peut passer à la journée suivante. Ok, qui sera le 27 de péril. Vingt-sept de péril. Alors, le 27 de péril va avoir lieu. Nulle part. Le lieu, c'est nulle part. On s'accroche, hein. Ça va bien se passer. Nulle part au crépuscule. C'est la tempête. Tu es tiraillé par la soif à nouveau. Symboles sont toujours le fruit et la vengeance. À nouveau, l'oubli et la mémoire seront les thèmes centraux. Arrivé, je me suis un petit peu embrouillé. L'historique du jour, c'est il grogne et fouaille et couine. Il retourne l'humus noir spongieux. Il trouve des horreurs et des merveilles. Ce cochon truffier ira loin. Et ensuite, on a Le détail forestier. Alors, le détail forestier, alors là, il y a pas mal de. C'est grosso modo, c'est la famille des parasites végétaux, tels que par exemple le gui, la cuscute ou le robange. J'avoue que je ne connais pas les deux derniers. La cuscute, en fait, c'est une sorte de liane qui du coup va s'enrouler autour d'autres végétaux, puis va aspirer leur sève, quoi. D'accord. Et le robange, en fait, c'est des fleurs qui vont pousser au pied de plantes et qui vont en fait qui sont connectées aux racines de la plante et qui vont du coup littéralement, tu vois, aspirer là, pareil, à nouveau la sève de la plante pour se nourrir elle-même parce que c'est que des fleurs, tu vois, elles n'ont pas de feuilles, elles n'ont pas de chlorophylle et donc elles peuvent pas vivre elles-mêmes, elles font pas de photosynthèse et donc elles parasitent en fait les racines d'autres plantes, quoi. D'accord. Alors, je te résume vite fait. Donc, ça se passera nulle part. Au crépuscule, pendant la tempête, tu seras tiraillé par la soif. Tes symboles sont le fruit et la vengeance. Ça parlera d'oubli et de mémoire. L'historiette, c'est il grogne, fouaille et couine. Il retourne l'humus noir, spongieux. Il trouve des horreurs et des merveilles. Ce cochon truffier ira loin. Et donc, le détail forestier, ce sont les parasites végétaux, tels que le gui, le cuscut ou le robanche ou d'autres parasites végétaux imaginaires, quoi. J'attends à trouver ou à vivre aujourd'hui. Quelque chose qui me fasse repartir de l'avant. Parce que j'ai eu une grosse révélation la journée précédente. Ok. Et là, je pense que la tempête, elle n'est pas, comme on est nulle part, elle n'est pas dehors. Elle est dans mon cœur ou dans ma tête. Ok. Ben du coup effectivement on est dans ton cœur ou dans ta tête, enfin tu sais pas du tout où t'es parce que finalement les seules sensations que t'as, c'est effectivement le vent qui hurle, les éclairs d'orage, les bourrasques et tout, et en fait tu as les seuls éléments matériels qu'il y a, enfin c'est très étrange parce que ce serait difficile. On peut pas vraiment dire qu'il y a un sol sous tes pieds, quoi. Et les Non, seuls. il y a bien une sorte de petite bête qui cherche, enfin, qui fouille les tréfonds de mon cœur, de mon esprit, et des petites photos de Polaroid qui s'éparpillent ça et là de souvenirs que j'avais oubliés. Ok, ouais. Et donc la tempête aussi charrie sur toi tout un tas de débris de branches, tu vois, qui te fouettent le corps et le visage. Et ces débris de branches sont couverts de mousse. Ok. Ok. Ah oui, je sais, ouais. En fait, les tu comment? Il y a un objet qui te passe devant le visage. Tu sais, c'est une montre à gousset. Et en fait, tu reconnais la montre que tu as vue dans ton souvenir, quoi. J'essaie de l'attraper au vol. Et donc, évidemment, comme c'est la tempête, le truc s'envole et tu vois, part dans le néant comme ça, au milieu des bourrasques qui charrient des branches moussues. Est-ce que tu cours pour essayer de rattraper de rattraper cette, comment, cet objet mémoriel précieux? Ok. Quelles seraient les conséquences en fait négatives d'un échec? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer de grave si tu ne récupères pas cet objet? Je perdrai une partie de la vérité que j'ai bu. Ok, ouais. D'accord. Donc tu perdras une partie du souvenir qu'on a évoqué la journée précédente, ouais. Et est-ce qu'il y aurait une conséquence positive à ça, quoi? De cet oubli viendra un apaisement de la tempête qui m'agite. Ok, ouais. Peut-être qu'il est trop tôt pour définir, mais en fait, je pense que ce que tu vas oublier, du coup, qui pourrait expliquer l'apaisement, c'est que tu vas oublier le visage de l'apprenti, quoi, et du coup, tu feras plus la relation entre l'apprenti et Anoukchouk. D'accord. Ça te convient? Soit ça, ou alors oublie qu'il pourrait être vecteur d'apaisement, c'était peut-être oublié que tu l'avais déçu, tu vois, qu'il y a eu un truc de brisé entre vous. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Je suis pas sûre que ce soit que ça crée de l'apaisement le deuxième, parce que du coup, je pourrais me dire que c'est moi qui ai créé la mousse. Ok, très bien. Donc le premier, l'oubli du visage Ouais. est mieux, je pense. Ok, ça roule. Bon bah tu t'engouffres en fait dans la tempête pour récupérer la boussole agitée par le vent. Donc tu lances le D6 s'il te plaît. 4. 4. Alors, non, 4 c'est un prix à payer, mais tu vas pouvoir améliorer ce résultat si pour le passer à un résultat supérieur qui est. Je vais te dire ça. En fait, tu pourrais atteindre ton but sans contrepartie, et pour ceci, en fait, si tu peux avoir un bonus de 1 si ce but est important pour ta quête, ou si tu utilises ta vertu, ton vice, ou une des choses ou des autres qui t'accompagnent. Si j'utilise ma vertu, mon vice ou une des choses qui m'accompagnent. Ouais, bah du coup, la seule chose qui t'accompagne, je crois, c'est. Enfin, si, il y a les Polaroids, mais il y a aussi ton couteau, quoi. Comment est-ce que ça pourrait m'aider? Ou alors, je te rappelle que l'autre possibilité d'avoir un bonus, c'est si tu m'expliques que ton but, en l'occurrence retrouver la montre à gousset, est important pour ta quête. Je pense que je peux utiliser l'objet qui m'accompagne, le poignard, Ouais. pour avancer en tranchant les vents devant moi. Ok, ouais. Ouais, tu tranches les vents et les branches et tu arrives à te frayer un passage presque métaphorique à travers la tempête. C'est ça. Pour fondre sur la montre à gousset avant qu'elle ne s'envole définitivement. Et donc, alors, tu avais dit qu'elle contenait un souvenir. Attends, je crois que tu avais été précis sur le souvenir que contenait la montre à gousset. Je t'avoue que je ne me souviens pas. Mince. On a dit ce que ça effaçait dans le cas où je perdais la Ouais, montre. ah ouais, non, Ah. on sait pas vraiment ce que contient le souvenir de la montre. Ça te va si je raconte, vu que c'est un élément extérieur? Pas de problème. Donc en fait, en touchant la montre, ou en l'auscultant, ou en faisant bouger les aiguilles, en fait, tu remontes jusqu'à un souvenir heureux avec Anoukchouk, ton apprenti, quoi. En fait, c'est que tu as. Donc Anoushouk est plus jeune que toi. Et en fait, tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé dans la forêt. En fait, ses parents et ses proches se sont fait dévorer par des loups enragés, en fait. Et donc il était jeune, désemparé et tout, en proie au désespoir. Et en fait, tu l'as sauvé, tu l'as recueilli, quoi. D'accord. Et il a été pendant des jours et des jours, il a pas été, il a été incapable de dire le moindre mot. Et en fait, une journée, dans tes entailles de chaman, tout ça, il consultait. Alors en fait, il y avait déjà les Polaroids de sa famille, tu vois, avant, quoi. Donc il les consulte et tout, et il te regarde avec un visage grave et il fait le plus dur quand j'ai perdu ma famille. Enfin, il y a deux choses qui ont été dures quand j'ai perdu ma famille. La première, c'est de me dire que. Eh bien, le fil de leur vie a été tranché et ils ne connaîtront plus jamais la conscience au monde. C'est extinction des feux pour eux, quoi. Ils ne pourront plus jamais avoir aucune perception, leur esprit est mort, quoi. Et la deuxième chose qui m'a fait très peur, c'est que je me suis dit que en perdant ma famille, je perdais et mes proches. Je perdais les seules personnes dont je pensais qu'elles étaient capables de me prouver d'avoir de l'affection pour moi et de me protéger. Et que c'était les seules personnes que je pourrais aimer. Et en fait, te regarde profondément, tu vois, il essaye de prendre ses mains dans les tiennes et il fait, tu fais mentir cette idée. Je pense que la tempête s'apaise. Ok, ouais. Ah, peut-être que d'ailleurs, pendant ce souvenir, tu avais encore été, il y avait encore la tempête, comme si la tempête agitait le souvenir, et puis effectivement, le souvenir s'apaise. Et d'ailleurs, normalement, on arrête sur un réconfort, mais je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à ajouter, quoi. C'est ça le réconfort, quoi. Donc, ça, c'est la fin de la journée. Et un danger ou un problème s'annonce. Est-ce que tu as un pressentiment ou est-ce que c'est quelque chose de l'extérieur qui se signale à toi brusquement Quel genre de pressentiment je pourrais avoir? Je pense que dans les souvenirs qui ont été remués, il y a aussi quelque chose de plus néfaste qui est remonté à la surface. Je ne sais pas encore où c'est, ni quelle apparence ça a, mais Ouais. c'est un mauvais pressentiment. Donc le danger qui s'annonce, c'est la résurgence de ce noir souvenir, quoi. C'est ça. Ok. Moi, ce que je te propose là, c'est qu'on joue une dernière journée. J'ai l'impression qu'on prend à peu près un quart d'heure par journée. Oui. Et du coup, on utiliserait le temps qui nous reste pour débriefer hors micro. D'accord. Ça te va une dernière Me journée? va très bien, oui. Donc on va terminer sur le 28 de péril. Un nouveau lieu. En l'occurrence, un dépotoir. Charmant pour terminer. Ça se passe à nouveau au crépuscule. Le climat est à la pluie. Aujourd'hui, tu es tiraillé par la faim. Les symboles sont toujours le fruit et la vengeance. Le thème le plus prégnant aujourd'hui, ça va être la ruine ou les ruines. L'historiette du jour est la suivante. Un sol de cuir sanglant, des troncs comme des crânes ou des cylindres de kératine, des canopées soyeuses ou emmêlées, une forêt de scalps. Charmant. Et donc, les détails forestiers du jour. Hier, on a oublié plein d'éléments d'inspiration, mais c'est pas grave. Les plats, on a, cette fois-ci, c'est les plantes carnivores, telles que la dionée, la drosera ou le népenthès. Ou toute autre plante carnivore fantaisiste. D'accord. Est-ce que tu t'attends à trouver ou à vivre aujourd'hui? Sachant que c'est le dernier jour, donc bon, peut-être que la quête de ton personnage se poursuit encore et encore sur des jours qu'on ne va pas jouer, ou peut-être qu'on va arriver à un climax. Je ne sais pas justement à quoi tu t'attends. Plutôt le climax, donc peut-être retrouver l'apprenti. Ok. Alors, on n'a encore jamais joué d'exploration. Est-ce que je continue à tirer l'aventure au hasard? Donc, du coup, hasard entre introspection, exploration ou péripétie? Ou est-ce que tu veux qu'on triche avec les dés et qu'on joue une exploration. Qu'est-ce que tu préfères? Ça m'est égal, effectivement, comme on n'a pas fait une exploration, on pourrait, mais si tu préfères faire avec les dés. Si tu me laisses le choix, je pense qu'on va jouer une exploration parce que du coup, l'exploration en fait te demande de partir à la recherche d'un secret ou d'une personne. Et comme tu t'attends à trouver l'apprenti, peut-être que tu es à sa recherche, en fait. D'accord. Ok. Donc, en fait, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Suite à ta. Suite à la sudation et quand tu as reconnu le visage de Anoukchouk comme étant celui de ton apprenti et amant, quoi. Et tueur de ta famille, c'est beaucoup de choses. En fait, il semblerait que tu as déliré pendant une journée entière, quoi. Avec l'épisode dans le néant et tout. Et en fait, quand tu t'es réveillé, Anouchouk avait disparu. Et en fait, on t'a expliqué qu'il était parti, quoi, sans laisser d'adresse. Et donc, tu t'es lancé à sa recherche. Et du coup, tes pérégrinations, en fait, t'ont conduit dans un endroit crépusculaire, quoi. Hein, puisque c'est à la fin, au moment où le jour se meurt, t'arrives, en fait, dans une forêt qui déjà en elle-même est vraiment vraiment chelou parce qu'effectivement tes pas en fait comment tes pieds touchent un sol de cuir sanglant et tout les troncs ont l'air comme des crânes ou des Bah, ou comme tu sais, tu vois les cheveux pris au microscope, là, ça fait des espèces de cylindres avec des. Ça fait comme des plaques et tout, et il y a des plaques mortes, de peau morte, en fait, sur le sol, quoi. Et puis donc, à la place des branches des arbres, tu as des espèces, effectivement, de cheveux, tu vois. Certains sont soyeux, d'autres sont emmêlés, quoi. Tu es dans la forêt de scalp, et en fait, cette forêt en elle-même est recouverte. Enfin, est rempli d'immondices, quoi. C'est un véritable dépotoir, quoi. De vieux objets mémoriels qui n'ont plus aucune valeur, quoi. Il y a des sacs poubelles, t'as plein de jouets cassés, t'as des choses qui puent, t'as des vieilles boîtes de conserve éventrées, la plupart des animaux qui sont dans cette forêt sont soit morts, tués par les déchets, quoi, ou alors, au contraire, sont des animaux mutants qui se repaissent des détritus, tu vois, du jus de conserve, des différentes matières toxiques qui ruissellent de partout, quoi. Il y a des vieux jerrycans, tout est rouillé et tout est en proie à l'abandon, quoi. C'est que des choses dont les gens sont reculés, qui ont été rejetées par les gens, quoi. Et t'as des sacs plastiques emmêlés dans les cheveux qui flottent. Et la pluie qui te tombe dessus, qui te dégouline, en fait, c'est une pluie dégueulasse. Toi, c'est une espèce comme du jus de viande. C'est une pluie qui pue l'ordure, quoi, littéralement, quoi. Et ce qui forme des rigoles de jus jaunâtre. Et tu as des de loin en loin des baraques. Complètement pourris, qui sont plus que des empilements de parpaings, et tout à l'intérieur est, enfin, l'intérieur est rempli de bordel, tu vois. Ces maisons sont plus que des dépotoirs, quoi, des dépotoirs de vie antérieure. Et voilà, c'est dans ce décor à proprement apocalyptique que tu espères, si j'ai bien compris, retrouver Anouk Chouk. Donc en fait, normalement, tu fais un seul lancer de dés pour déterminer comment va s'achever ton exploration, en fait. Qu'est-ce que tu vas trouver, comment tu vas le trouver. Mais tu peux améliorer tes chances en fait en faisant deux lancers. Et pour avoir droit à deux lancers, il faut tout simplement que tu émettes des spéculations sur le secret recelé par ces lieux. Donc concrètement, ce que tu recherches, toi, c'est plutôt une personne, c'est Anouk Chouk. Mais du coup, si tu émets des spéculations sur, entre guillemets, où tu vas le trouver ou comment tu vas le trouver, ou enfin, qu'est-ce que tu vas apprendre en le trouvant, tu vas pouvoir faire deux lancers, quoi. Et je pense qu'il vaut mieux faire ces spéculations avant de lancer les dés, quoi. D'accord. Comment est-ce que je pourrais le retrouver dans cette forêt? C'est soit comment tu pourrais le retrouver, ou soit une fois que tu l'auras trouvé, qu'est-ce que tu t'attends exactement, tu vois, à trouver, quoi. Qu'est-ce que c'est pas de ouais, c'est ça, ouais. Genre pourquoi il est là, des choses comme ça, enfin, des spéculations diverses et variées, quoi. C'est assez ouvert. J'essaie de le. Vu qu'il y a beaucoup de détritus et d'objets de souvenirs, j'essaie de repérer des photos de Polaroid, des éléments qui me rappelleraient qui il était. Peut-être que par-ci ou par-là, il y a une moisissure étrange ou une mousse bizarre, mouvante, qui, si elle me terrorise, m'ouvrira le chemin. Ouais, ok, ouais. Ouais, du coup, tu vas suivre comme une espèce de chemin de petits poucets laissés par des Polaroids qui, de façon assez douloureuse, retracent votre vie commune, et aussi la vie qu'il a connue avec sa famille précédente. Peut-être plus douloureux encore, c'est des photos qu'il a pu prendre de tes proches à toi, qui était en fait devenue sa nouvelle famille adoptive, quoi. Ce n'était plus uniquement ta famille, c'était aussi la sienne. Pas forcément pour les proches, Non. pour nos proches, parce que je me souviens plus de leur visage, Ouais. comme on l'a raconté à l'araignée. Ah, d'accord, ouais. Mais je peux imaginer que Ouais, c'est le cas. tu peux imaginer ça, peut-être parce que tout simplement, il y a peut-être des photos festives où on vous voit tous les deux en compagnie d'autres personnes qui sont peut-être tes proches, quoi. Ça peut laisser imaginer qu'il y a ouais, effectivement une vie de famille qui s'est. Enfin, une vie sociale qui s'est réinstallée, dans laquelle Anoukchouk s'est trouvé inclus, quoi. Et en même temps, effectivement, tu trouves des traces de mousse noire. Et de même que la mousse sénescente sur ton corps, je pense, enfin, je parle sous ton contrôle, mais continue à progresser, montrant qu'il est Oui. peut-être temps, en fait, hein, d'arriver à quelque La mousse a chose. grandi, elle a gagné mes épaules, elle s'est répartie sur mon dos. Ok. Alors, comme c'est assez crucial, comme j'ai dit, je vais te laisser le faire. En fait, c'est des jets avec 10 unités. Donc, en fait, il faut que tu jettes un D6 pour les 10, un D6 pour les unités. Ça sera ton premier lancer. Et tu fais ça, tu renouvelles l'opération une deuxième fois. D'accord. Alors. J'ai fait 23 pour le premier jet. D'accord. Et le deuxième? Et le deuxième, j'ai fait 62. Donc ta progression est lente et tu meurs de faim, littéralement. Il y a absolument, enfin, y a rien qui paraît bon à manger dans cet endroit dégueulasse. Donc 23, excuse-moi, je vais demander de répéter le deuxième score. 62. Soixante-deux. Ok. Le choix entre deux solutions. Le lieu te révèle son secret, donc en l'occurrence, il faut adapter parce que c'est pas un secret que tu cherches, mais une personne. Mais cette révélation est incompréhensible. Et l'autre choix, c'est tu trouves une piste qui conduit à un autre endroit qu'il faudra explorer plus tard. Ça veut dire que en fait, tu trouveras pas une ouchouk aujourd'hui, quoi. Le premier donne quand même une fin. Plus satisfaisante, ouais. Ok, donc tu vas trouver Anoukchouk, mais en fait, tu vas pas du tout comprendre ce qui va se passer. Alors j'ai une petite idée sur en quoi ça consiste. Eh bien, je te laisse décrire. Ok. En fait, tu suis tu suis le chemin de Polaroid et de mousse. Et en fait, au bout d'un moment, tu trouves plus de Polaroid parce que sans doute qu'ils ont tous été utilisés, quoi. Et tu finis par trouver les branches et les ossements et les lianes qui recouvrent le corps d'Anoukchouk. Donc, ils sont disséminés de loin en loin, ensanglantés. Et en fait, en suivant cet improbable chemin de petit poucet, tu arrives dans. Dans ce qui sent. Dans une espèce de. De cavité, de grandes cavités, enfin, tu vois, de grands creux, en fait, dans la forêt. Ce creux est recouvert de cheveux, tu vois, des cheveux. Sale, parcouru de poux. La pluie ici est plus sale qu'ailleurs encore, quoi. C'est une sorte de sanie, tu vois, de pu mêlée à du sang, quoi. Ça ruisselle, en fait, des branches, tu sais, des branches couvertes de cheveux, quoi. Et ça tombe sur Anoukchouk qui est au milieu, qui semble t'attendre. Et en fait, Anoukchouk est debout, en fait, au fond de ce renfoncement-là, il y a une immense plante carnivore, tu vois, qui se fait comme une immense bouche, quoi. Et qui se referme, mais tu sais, en fait, ça ressemble à une. Les fleurs géantes, là, je crois que c'est les passiflores. Je cherche à quelle tête ça a. C'est une grande, une espèce de grande fleur, une grande fleur, mais carnivore pour le coup, hein, ce qui n'est pas le cas de la passiflore réelle. Ok, je visualise du coup. Ouais, alors non, si tu tapes passiflore sur internet, tu n'as pas trouvé le bon truc. Bon, enfin, en fait, c'est une énorme, je sais plus le nom exact, c'est une sorte de passiflore, mais c'est pas la passiflore commune du tout. C'est une énorme fleur, unique, tu vois, il n'y en a pas d'autres. Ça ressemble, ça fait un peu comme une loutre, quoi. Et en fait, il est avec une sorte d'étamine, un pistil géant au milieu, quoi, et qui dégage une odeur de charogne. Hein. Littéralement, quoi, ça sent vraiment comme ça, un passiflore. Et en fait, il est debout au milieu de ses toutres. Et en fait, tu as la passiflore qui se referme lentement, tu sais, comme pour le dévorer, quoi. Pour l'absorber, tu vois, au bout d'un moment, quoi, il se laisse faire, quoi. Alors que, si tu veux, c'est très très lent, hein, donc il aurait largement matière à s'échapper. Alors, question, est-ce que tu as des préventions contre le thème du suicide, auquel cas je trouverai une. Non, J'empêcherai que ça je arrive. peux Okay, ouais. continuer. Très bien. Je prétends pas que c'est ça qui va arriver, mais en tout cas, pour le moment, ça ressemble à ça, quoi. Et donc, il te fixe avec ardeur. En fait, tu vois, il saigne de partout parce qu'il s'est arraché tous ces colifichets de peau, quoi. Il a enlevé tous ses ornements, ses branches, comment, ses ossements, et ses lianes, pas uniquement pour te laisser en fait une piste. Et donc il te fixe comme ça, il est couvert de sang, et donc tu as la mousse noire qui elle-même recommence à recouvrir, tu vois, à recouvrir la passiflore, et il y en a à l'intérieur et tout. Donc s'il reste là, de toute façon, soit il se fait manger, il va à la fois se faire manger par la passiflore, et en même temps se faire et en même temps il va se faire dévorer par la mousse noire, quoi. Comment tu réagis face à ça? Je suis prise d'effroi, mais je me sens incapable de bouger. Par contre, ce que je me demande, c'est si une fois recouvert de mousse et dévoré par la plante, cette dernière ne recracherait pas un fruit. Ouais, bah du coup on va conclure comme ça, en fait. C'est que comme tu restes tétanisé, effectivement, eh bien la passiflore l'absorbe, tu vois, parce que tu n'interviens pas. Et tu sauras jamais pourquoi il a fait ça, quoi. Et effectivement, au bout d'un moment, la passiflore et la mousse ayant digéré, il y a la. Et ayant digéré leur proie, il y a la passiflore s'affaisse sur elle-même, tu vois, pourrie, et à la place, il y a une grenade. Et c'est la grenade qui t'a échappé l'autre jour, quoi. La grenade phosphorescente, et elle est là, en fait, à travers les restes pourrissants de mousse et de fleurs. Et c'est incompréhensible, en fait. Est-ce que tu connais un réconfort à la suite de cette expérience? Je garde le fruit avec moi. Et ma nouvelle quête sera de donner un sens à ce fruit. Ok. À donner quelque chose de positif à ce qui reste de mon amant. Et en fait, la journée se termine par l'anticipation d'événements à venir. Donc là, je pense que ça t'appartient, parce que c'est vraiment quelque chose de, à mon avis, de. Enfin, si ça peut être anticipé par un élément extérieur, mais je pense que c'est bien un peu plus logique que ça vienne de toi. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est-à-dire, du coup. C'est-à-dire que soit toi tu anticipes des événements à venir, et en fait ça s'arrêtera là-dessus sur cette anticipation d'événements à venir, soit il y a éventuellement un personnage tiers qui arrive et qui lui-même annonce des choses qui pourraient venir, quoi. D'accord, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà un peu, enfin, que le réconfort, c'est déjà un peu une anticipation de... Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, toi, tu penses que toi, tu es déjà justement dans cette anticipation que tu vas poursuivre ta quête et trouver un sens aux fruits, c'est ça? Et qu'elle change de chemin, qu'elle s'enfonce plus dans la vengeance, mais qu'au contraire, je vais tirer de ce fruit-là le meilleur, du coup, de celui qui m'a trahi. Et du coup, j'ai une dernière question, c'est à la suite de ça. La mousse sénescente qui te recouvre, est-ce qu'elle continue à grandir ou est-ce qu'elle rétrécit dans surface? Je dirais qu'elle va stagner. Elle stagnera jusqu'au moment où elle devra reprendre sa route. Mais ce n'est pas la mousse noire. C'est bien la belle mousse naissante, comme celle de la petite dame. Ouais, tout à fait. Et comme l'heure n'est pas venue, pour l'instant, elle ne grandit plus. Est-ce que tu es d'accord pour terminer là-dessus? Oui, tout à fait.